Mais en fait, ils sont vraiment inhumains, ces minous, là. Ils chient dans de la litière, dans de la matière naturelle que nous offre Dame Nature. Eux, ils chient dedans, et on fout ça aux ordures. Ils bousillent la nature, quoi. Et nous aussi, d'ailleurs, on chie, et la merde qui nous reste au bord du cul, on se la nettoie avec des arbres. Des arbres de la forêt, putain. Puis on jette ça aux ordures, et puis il n'y a plus qu'à retuer des arbres. Vous savez, ces grandes choses qui nous donnent la vie et qui nous font respirer, il n'y a plus qu'à en retuer pour se renettoyer de notre merde au bord du cul avec. Eh hey mais, t'es vegan en fait. Tu penses comme un vegan. Il faut pas faire de mal aux animaux, il faut pas tuer la nature pour se torcher le cul. Bientôt tu vas devenir un vegan hippie écolo, c'est ça? Tu vas chier dans des toilettes sèches, recouvrir ta merde de sûre, pas te torcher, et puis après directement chier dans ton sarouel. C'est comme ça que tu veux devenir, Tony, hein, c'est ça? On est des animaux, tous des animaux, et c'est pour ça qu'on bouffe des animaux. On est des animaux, tous des animaux, et c'est pour ça qu'on bouffe des animaux. Y'a bien que les véganes pour se croire civilisés. Y'a bien que les véganes pour fièrement s'humaniser. On est des animaux. Des animaux, on est des animaux.